Today is 12 of June, year 2014, the fifth day of our retreat. We are trying research, internal research, how it is working, our body and mind function in our life. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2014. C'est le cinquième jour de notre retraite. Nous continuons notre recherche. Il s'agit d'une recherche intérieure, d'une investigation du corps et de l'esprit dans le but de voir comment tout cela fonctionne réellement dans notre vie de tous les jours. Vipassana, c'est s'efforcer de comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Ceci est très important. Le Bouddha nous dit que pour développer la sagesse, il y a 5 méthodes. Nous sommes ici à nous entraîner à développer la force de l'esprit, la force mentale. Le Bouddha nous dit qu'il y aura 5 façons d'y arriver, 5 étapes. La première s'appelle en pali Tirakala Bhavana, ce qui veut dire plus on met de temps à pratiquer, plus on comprend. Tira veut dire long, Kala veut dire temps et Bhavana veut dire développement. Nous sommes ici pour une retraite de 7 jours. 7 jours, ce n'est pas assez pour arriver à une compréhension parfaite. Vous vous en êtes vous-même rendu compte. Le premier jour, l'esprit était encore conditionné. Après quelques jours de pratique, le méditant a commencé à voir ses conditionnements. Il a vu, il a commencé à voir que les phénomènes apparaissent et disparaissent à l'intérieur de lui. Plus il va passer de temps à pratiquer, plus les objets vont devenir clairs. Plus les objets deviennent clairs, mieux il comprend. Et la sagesse se développe de plus en plus. La deuxième façon de développer l'esprit, c'est de pratiquer de façon continue. En pali, on dit « mirandara ». « Mi » veut dire « sans ».« Andara » veut dire « espace ». Interruption. Il faudra donc travailler en étant attentif sans interruption. Nous devons attraper l'objet, l'expérimenter et l'étiqueter. Si notre attention et notre concentration sont faibles, nous ne pourrons pas faire cela. Il y aura forcément des interruptions d'attention. Mais après quelques jours d'entraînement, la situation va progressivement s'améliorer. Nous deviendrons capables de rester sur l'objet de plus en plus longtemps, sans interruption. Et nous verrons alors en détail cet objet. Nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais si notre observation est interrompue par des pensées, que nous perdons l'attention, que nous oublions de noter, il n'y aura pas expérimentation et en conséquence, il n'y aura pas compréhension. Pour pouvoir développer cette force mentale, il faudra donc de la détermination. Parfois, bien sûr, notre esprit va s'envoler, c'est naturel. Depuis des temps immémoriaux, nous laissons l'esprit vagabonder librement. Nous n'exerçons aucun contrôle sur cet esprit. Et en plus, l'esprit aime vagabonder, c'est sa nature. Mais un esprit qui n'est pas contrôlé est un esprit qui n'est pas fort. Toutes les énergies, quelles qu'elles soient, doivent être contrôlées pour être productives. Nous devrons donc nous entraîner à contrôler notre esprit et à attraper les objets de façon continue, sans intervalle. Notre attention doit être aussi ferme qu'une pierre. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption d'attention. Si nous réussissons à maintenir notre attention de façon continue, nous pourrons pratiquer de plus en plus longtemps et vous pourrez faire cela après la retraite chez vous. Vous pourrez continuer à vous entraîner chez vous. Donc la troisième façon d'arriver à développer cette force mentale se dit en pali Anoha Bhavana. Anoha veut dire complet. Ce qui veut dire en fait dans ce contexte tenir son engagement. Il faut mener la pratique de façon complète. Il ne faut pas oublier les objets. Petit à petit, notre pratique va se développer et tout cela dépend de notre détermination. Par exemple, nous sommes assis ici à méditer et nous allons prendre la détermination de ne pas bouger pendant une heure. Et nous allons prendre cette résolution de façon très ferme, dans le but de réussir à voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est une première façon de pratiquer de façon complète. Nous devrons aussi pratiquer pendant toute la journée et suivre le programme. Le programme nous demande de pratiquer 7 heures en posture assise, 7 heures en marche. Nous devons prendre la résolution très ferme de ne pas rater une seule heure de méditation. Ceci, c'est une autre façon de tenir son engagement et donc de mener une pratique complète. Que nous ayons envie ou non de méditer, nous devons le faire puisque nous avons pris l'engagement de participer à cette retraite. Sans quoi, il ne s'agirait pas d'une retraite intensive. Lorsque vous vous êtes inscrit à la retraite, vous saviez qu'il y avait 7 heures en posture assise, 7 heures en marche et qu'elles devaient être pratiquées. Si vous prenez la résolution de suivre le programme, vous pouvez vous dire que vous pratiquez de façon complète. Ici, nous ne sommes pas très sévères avec le programme, mais au Myanmar, au centre Panditarama, le centre de Sayadaw Pandita, il y a des surveillants. Et ces surveillants ont pour rôle de s'assurer que les méditants pratiquent correctement et justement avec détermination. S'ils constatent qu'un méditant se trouve pas dans la salle de méditation, ils ne vont rien dire la première fois, mais si cela se répète, ils vont leur faire une remarque et ils vont leur faire comprendre qu'ils doivent travailler avec détermination. Quel que soit donc notre engagement, le fait de s'y tenir, c'est travailler de façon complète. C'est de cette façon que nous allons développer notre force mentale. Bien sûr, il y aura des obstacles. L'agitation, les douleurs, le découragement, toutes ces choses vont donc se manifester certainement au cours de notre pratique. Mais nous devrons nous montrer patients. Si nous réussissons à maintenir notre engagement, à respecter notre engagement, nous allons introduire en nous la joie. Nous serons satisfaits de notre pratique et nous aurons ainsi confiance et nous aurons de l'énergie. Le fait de pratiquer de façon complète peut également vouloir dire atteindre au moins le premier stade d'éveil. C'est encore une autre façon de pratiquer de façon complète. Nous aurons parcouru le chemin complètement. Lorsque nous serons devenus des êtres nobles, que nous aurons atteint au moins le premier stade d'illumination, nous serons extraits de la souffrance, ce qui veut dire que nous échapperons dorénavant aux renaissances dans les quatre mondes inférieurs. Les obstacles, bien sûr, vont se manifester. Il y en aura beaucoup, mais nous devrons faire preuve de patience avec toutes ces difficultés. Ces obstacles sont là pour tester notre force mentale. Le Bouddha lui-même a dû faire face à beaucoup de difficultés. Vous connaissez tous l'histoire de Mara, le Satan bouddhiste qui a attaqué le Bouddha avant son illumination. Donc nous devrons réussir à surmonter ces empêchements et à atteindre le premier stade d'éveil. La quatrième façon de développer donc la force mentale, c'est Sakaccha Bhavana. Sakaccha veut dire de façon respectueuse. Nous devrons donc pratiquer de façon respectueuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faudra pratiquer en sachant quels sont les bénéfices que nous sommes en droit d'espérer de cette pratique. Nous devrons en comprendre la valeur. Une fois que nous aurons développé la sagesse, que pouvons-nous en faire? Nous devons donc comprendre que si nous réussissons à comprendre comment fonctionnent les choses à l'intérieur de nous, nous pourrons utiliser cette compréhension, cette sagesse, dans la vie de tous les jours. Et non pas dans cette vie-ci, mais dans toutes celles qui vont suivre. C'est comme un étudiant qui passe quelques années à étudier ses cours, il le fait pour pouvoir les utiliser tout au long de sa vie. Cette pratique va nous permettre de comprendre nos émotions, nos pensées, nos actions volitionnelles, le fonctionnement de notre esprit et de notre corps. Et tout ceci, la compréhension donc qui porte sur toutes ces choses, va nous être très utile dans la vie. Vous pouvez tous constater qu'il y a de nos jours beaucoup de dépression, beaucoup de maladies mentales, il y a même des suicides. Tout ceci est dû au fait qu'on n'a pas réussi à comprendre en quoi consiste le corps et l'esprit par la pratique de la méditation vipassana. Cette pratique de vipassana nous permet en effet de comprendre comment fonctionne notre corps et notre esprit. Cette sagesse, cette compréhension a une très grande valeur. C'est donc pour toutes ces raisons que nous devons nous efforcer d'appliquer Sakaccha Bhavana et de méditer de façon respectueuse. C'est ainsi que nous allons pouvoir progresser. Mais si notre méditation est superficielle, qu'elle n'est pas respectueuse, nous ne pourrons pas facilement progresser. Une cinquième façon de développer la force mentale, c'est Abhirati Bhavana. Abhirati veut dire s'amuser, aimer. Les yogis sont donc venus ici au centre d'Amarancy pour pratiquer la méditation, pour une retraite intensive. Il faut qu'ils viennent ici avec un esprit positif et se dire que la méditation, c'est quelque chose de très positif. Ils aiment méditer tout simplement parce qu'ils croient par la méditation, ils vont pouvoir expérimenter la paix, le bonheur, qu'ils vont comprendre les choses clairement. Cet état d'esprit est indispensable lorsqu'on s'inscrit à une retraite de méditation. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut pratiquer. Il faut se dire que cette pratique va nous amener le calme et la paix. De cette façon, nous allons introduire en nous des énergies positives et nous allons également avoir confiance. Le Bouddha nous a donné ces cinq méthodes pour développer notre attention. La première consiste à méditer longtemps. La deuxième consiste à méditer sans qu'il y ait d'intervalle d'attention. La troisième consiste à méditer de façon complète en tenant son engagement. La quatrième consiste à méditer de façon respectueuse et la cinquième consiste à prendre plaisir à la méditation. Si donc nous développons ces cinq méthodes, nous pourrons renforcer notre esprit. Nous allons commencer à aimer méditer. C'est quelque chose qui va faire partie de nous. Et lorsque nous aurons raté une séance ou que, dû à toutes sortes de circonstances, nous n'aurons pas pu méditer pendant une journée, nous allons le ressentir comme un manque. Voyez les personnes qui ont déjà une longue pratique derrière elles. Ce sont des personnes pour qui la méditation est devenue centrale et cette méditation leur apporte beaucoup de joie. Sans quoi, ces personnes ne seraient pas capables de faire ce qu'elles font. La méditation, le fait de maintenir l'attention de façon continue, est un très bon moyen pour se purifier l'esprit. Nous sommes habitués à laver nos vêtements. Les vêtements se salissent, peut-être pas aussi vite que l'esprit, mais ils se salissent malgré tout, et nous les lavons. Mais nous ne sommes pas habitués à laver notre esprit. Alors que notre esprit se salit beaucoup plus vite que les vêtements. Il y a toujours des impuretés dans l'esprit, comme la colère, l'envie, la jalousie, l'orgueil, la peur, l'anxiété. Tout cela, ce sont donc des saletés qui s'introduisent en permanence dans notre esprit. mais nous n'avons pas l'habitude de laver cet esprit. Nous devons cependant prendre l'habitude de le laver par la méditation. Les pollutions mentales salissent l'esprit. L'avidité, la colère, la haine, l'ignorance, la somnolence, tout cela salit l'esprit. Lorsque nous notons le mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, au moment précis où nous notons ces objets, où nous expérimentons le mouvement, y a-t-il de l'avidité dans l'esprit? Y a-t-il de la colère? Y a-t-il de l'ignorance? Non, tout cela est absent de notre esprit au moment précis où nous notons objectivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Si l'esprit note ainsi de façon continue, son esprit va devenir de plus en plus pur. Et pendant toute cette période de temps, il ne sera pas contaminé par les impuretés. Il est donc nécessaire de se laver l'esprit, ce qui veut dire se purifier l'esprit. Le matin, l'esprit sera sans doute très sale. Il y aura beaucoup d'impuretés, de pollution à évacuer. Mais nous allons travailler pendant toute la journée et le soir, l'esprit sera beaucoup plus pur. L'esprit est pollué par les impuretés mentales. Il faut donc que nous pratiquions et ceci va nous amener de très grands bénéfices. Un esprit qui est devenu frais, propre, est facile à développer. Il sera dès lors facile d'acquérir la force mentale. Si nous développons ces cinq méthodes dont il vient d'être question, notre esprit va devenir frais et pur. Lorsque l'esprit sera devenu frais et pur, cinq forces vont apparaître. La première, c'est la force de la confiance. La deuxième, c'est la force de l'attention. Le méditant voit clairement les objets. La troisième, c'est la force de l'énergie ou effort. Ce méditant va par exemple se débarrasser très facilement de la somnolence et de la torpeur. La quatrième, c'est la force de la concentration. Le méditant est capable de maintenir sans interruption son esprit sur les objets. Et la cinquième, c'est la force de la compréhension ou sagesse. Cette force de la sagesse va mener le méditant à la libération du samsara. Le plus important, c'est de comprendre que les phénomènes physiques et mentaux n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. Ces phénomènes physiques et mentaux qui constituent la vie. C'est la chose la plus importante à réaliser et le plus clairement possible. Donc il est très important de se comprendre soi-même. On pourrait croire que c'est facile de se comprendre soi-même, mais non, c'est très difficile. Par exemple, vous me direz que vous avez un esprit. Oui, c'est facile à comprendre superficiellement. Puisque, comme on l'a dit au début de la retraite, un cadavre n'a pas d'esprit, c'est facile à comprendre. Mais le comprendre de façon pénétrante, c'est autre chose. Lorsqu'on pratique la méditation, on va aussi se poser cette question. Où se trouve l'esprit? Mais là, il ne s'agira pas de penser à ces choses. Il ne s'agira pas de trouver une réponse au niveau intellectuel. Nous allons observer attentivement au cours de notre méditation et nous allons comprendre l'esprit par la méditation. Ce sera une expérience directe, ce ne sera pas une compréhension intellectuelle. So wish you all, may you all be able to clear off, can catch your mind in this practice, don't think, in own experience. Okay. Sadhu, sadhu, sadhu.